Bassalam bongo, bali andabo, bapomba ndambo, tika basepela. Attention les casques bleus, je l'ai pas. Oh da da da. Abacata, Lele, Roma, Roma. Oh, Silvia e a mamma. Dolina, Dolina, Dolina.